Je sors de l'électrique, je fais dans l'acoustique un vieux homme pour du vieux rhum. Du rhum antique qui remonte ton moral et ton physique. Un vieux homme pour du rhum. Du rhum antique, du romantique. Des menteries de la menthe et des glaçons stratégiques. C'est du rhum antique et ce n'est pas pathétique. Je te cause pas en italique. Je te cause en cyrillique. Et mon flow vit en Afrique. C'est du rhum antique. Je te cause en cyrillique. Et mon flow est en Afrique. C'est du rhum antique. Détour pour un trip touristique. C'est du rhum antique. Je te parle pas dans un tube cathodique. Ce que je t'exprime, ça vient de là-haut, ça vient de l'éthique. Ce que je t'exprime, ça vient de ma guitare acoustique. Je te sors de l'électrique, je te fais dans le son acoustique. Pour un vieil homme qui a du vieux rhum, du rhum antique. Il remonte mon moral et mon physique, ce vieil homme. Au vieux rhum. Du rhum antique. Ce romantique. Il a un nom canonique. Olivier Calonne.